الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وأدوا ما أوجب الله عليكم من في أموالكم التي رزقكم الله تعالى، وقد أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ولا تملكون لأنفسكم نفعا ولا ضرا، ثم يسر لكم الرزق الكثير وأعطاكم الخير الكثير. فقوموا عباد الله بشكره سبحانه وتعالى، واحذروا الشح والبخل بما أوجب الله عليكم، فإن الشح بنعمة الله سبحانه وتعالى سببا لنزع البركة والخير. ألا وإن أعظم ما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا من حق المال الزكاة، التي هي ركن الثالث من أركان الإسلام. أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله العزيز في 72 موضعا من القرآن العظيم، فشأنها عظيم ومكانتها في الإسلام عظيم أو عظيمة. فأدوها من طيب أنفسكم، فأداؤها إيمان، وجحدها كفر بالله العظيم. ومن منعها مع اعتقاد وجوبها فقد خرج عن السبيل المستقيم، فهو فاسق، والله المستعان. وقد دل على وجوب الزكاة القرآن العظيم وسنة النبوية، ولا خلاف في ذلك بين المسلمين. قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. فهذه فريضة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. فاتقوا الله في أداء الزكاة، واعلموا يا عباد الله أن هذه الفريضة أوجبها الله سبحانه وتعالى حتى على أمم قبلنا. قال الله سبحانه وتعالى في شأن عيسى كما في سورة مريم: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة وما دمت حيا. نعم يا عباد الله. وأثنى على رسوله إسماعيل عليه السلام لاهتمامه بالزكاة والدعوة إليها، قال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. ومما ورد في فضل أدائها قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم إن الله عزيز حكيم. وهكذا قال ربنا سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فلم يثبت الله الأخوة الدينية بيننا وبين المشركين إلا إذا تابوا إلى الله عز وجل عن الشرك، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهكذا يسيرون إخوة لنا في الله عز وجل. وكما أن الله مدح من أدى الزكاة فقد حذرنا من سبيل البخلاء وأهل الشح، وجاءت النصوص بالوعيد الشديد لمن منع الزكاة. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فعليكم بتقوى الله عز وجل وإياكم والبخل، فإن هذه الأموال من مال الله سبحانه وتعالى أعطاكم إياها لينظر كيف تعملون. وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شخخني الله سبحانه وتعالى et acquittez de vos obligations et acquittez-vous de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a ordonné concernant votre argent, concernant les richesses qu'il vous a données. Il vous a sorti du ventre de vos mères et vous étiez tous ignorants, ne possédant aucune force et ne sachant se débrouiller seul. Puis Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordé force et subsistance. Il vous a comblé de ses bienfaits, vous a donné de l'argent. Et cet argent est l'argent d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a mis entre vos mains afin de voir comment est-ce que vous allez vous en servir. Puis la personne mourra, puis elle sera ressuscitée, questionnée sur ses bienfaits. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui demandera au sujet de son argent, où est-ce qu'il l'a pris et dans quoi est-ce qu'il l'a dépensé. Wallahu musta'an. Et celui à qui Allah Azza wa Jal a donné de cet argent doit se montrer reconnaissant. Et l'obligation la plus grande concernant notre argent est la zakat, qui est le troisième pilier de l'islam. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam repose sur cinq, c'est-à-dire sur cinq grands fondements, sur cinq grands fondements, sur cinq piliers. Le premier pilier est le fait d'attester qu'il n'y a point de divinité méritant l'adoration excepté Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah. Le deuxième pilier est l'accomplissement de la prière. Puis le troisième pilier, le fait de s'acquitter de l'aumône légale, qui est la zakat. Donc c'est un pilier de l'islam, le troisième pilier de l'islam. Et on s'étonne de nos jours de voir de nombreuses personnes retenir cet argent comme s'ils allaient l'emporter dans l'au-delà. Lorsque la personne décède, elle laisse tout dans ce bas-monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que trois choses suivent le mort, deux choses reviennent et une chose reste avec lui dans sa tombe. Suivent le mort sa famille, ses actions et son argent. Reviennent son argent et sa famille, et ne reste avec lui que ses actions. Donc craignez Allah subhanahu wa ta'ala envers cet argent, et acquittez-vous de ce, et dépensez à la recherche de son agrément, particulièrement la zakat, qui est donc le troisième pilier de l'islam. Nombreux sont les textes nous montrant l'obligation de cette aumône, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna. Il n'y a pas de divergence chez les musulmans quant à l'obligation de sortir la zakat. Allah nous dit dans son livre, Accomplissez la prière, acquittez-vous de la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Il nous dit également, accomplissez la prière, acquittez-vous de la zakat et tout ce que vous avancerez, vous le comme bien vous le trouverez auprès d'Allah. Il est parfaitement connaisseur ou bien il voit parfaitement ce que vous faites. Cette obligation a été citée de nombreuses fois aux côtés de la salat, de la prière, qui est l'action la plus importante, qui est le deuxième pilier de l'islam. Dans 82 endroits du Coran, Allah Azza wa Jal a cité à côté de la prière, la zakat, cela afin de nous faire voir, de nous faire comprendre et de nous montrer l'importance de cette aumône, qui est le troisième pilier de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre même dans le Coran que cet ordre n'est pas propre à la communauté musulmane, à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais même parmi ceux qui nous ont devancés étaient dans l'obligation de s'acquitter de cette aumône. Il nous dit concernant Isa alayhi salam dans le Coran, je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et il m'a rendu béni où que je sois. Et il m'a enjoint la prière et la zakat tant que je vivrai. Donc voici les paroles de Isa ibn Maryam alayhi salam, alayhi salam. Il avait donc l'ordre de sortir la zakat. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges d'Ismaïl alayhi salam dans le Coran du fait qu'il a accordé énormément d'importance à cet ordre, la zakat. Il nous dit, il commandait à sa famille la prière et la zakat et était agréé auprès de son Seigneur. Et nombreux sont les textes qui nous montrent les mérites de cette grande adoration pécuniaire, le fait de sortir la zakat. À titre d'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceux qui ont cru et ont accompli de bonnes œuvres ont mis en pratique la prière, se sont acquittés de l'aumône, auront une récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'auront pas peur et ne seront pas tristes. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit également, les croyants et les croyantes ne sont que les alliés les uns des autres. Ils se recommandent mutuellement le convenable et réprimandent le blâmable. Ils accomplissent la prière, s'acquittent de l'aumône, obéissent à Allah et son messager. À cela, Allah fera miséricorde. Certes, Allah est puissant et sage. Et sachez que celui qui ne sort pas la zakat s'avance, ou bien celui qui ne sort pas la zakat a été menacé d'un grand châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, ceux qui thésaurisent l'or et l'argent, donc ceux qui ne sortent pas la zakat, ceux qui ne dépensent pas leurs bienfaits comme Allah azza wa jalla l'a ordonné, l'or et l'argent, et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, informe-les d'un châtiment douloureux. Savez-vous, chers frères, quel est ce châtiment? Il y aura des plaques de fer, yawm al-qiyamah, pour leur brûler le front, les flancs et le dos. Cela est testé dans le Coran, explicité dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le jour de la résurrection, ceux qui ne sortaient pas la zakat et thésaurisaient l'or et d'autres richesses seront avancés. Et il y aura des barres de fer brûlantes et on brûlera avec ceux qui ont refusé de sortir la zakat au front, sur les flancs, au dos. Et à chaque fois que ces barres de fer refroidiront, on les réchauffera à nouveau pour un jour dont la durée sera de 50 000 ans. Durant un jour dont la durée sera de 50 000 ans, voici la rétribution de ceux qui refusent de sortir la zakat dans ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également qu'il y aura un serpent qui viendra pour mordre au visage ceux qui refusaient de sortir la zakat. Et ce serpent leur dira, je suis tes richesses, je suis ton argent, je suis ton trésor. Voici la finalité de ceux qui se sont montrés avares avec les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur avait octroyés. Nous devons donc tous craindre Allah subhanahu wa ta'ala et sortir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné comme argent. Et cet argent doit être donné aux ayants droit et pas autre que. Et ils sont au nombre de 8 catégories. Comme Allah nous a cité dans Surah At-Tawbah, ce qui fera l'objet d'une prochaine khutbah, insha'Allahu ta'ala. Et nous n'avons pas le droit de sortir cette zakat à autre que ces 8 catégories de personnes. Comme ça a été cité clairement dans le Coran, car Allah a commencé le verset en disant « Innama sadaqat wa innama adatu hasrin wa huwa ithbatul hukmi fil madhkur wa nafyuhu amma siwa fala tujzi'u zakah mathalan fi bina'il masharih al-khayriya kal-madaris wal-masajid kama nassa ala thalik ahlul ilm kal-allamatil faqih Muhammad ibn Salihin al-Uthaymin wa Salihin al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala wa ghayrihima kathir. وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والعمل بما يحبه ويرضى وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت اللهم ارفع درجاتنا في الجنة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم اغفر لأمهاتنا واغفر لآبائنا وللمسلمين والمسلمات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف أمهاتنا اللهم اشف أمهاتنا اللهم اشف أمهاتنا واشف آباءنا وأولادنا وأزواجنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.